Ézéchiel chapitre 6. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, Fils d'homme, tourne ta face contre les montagnes d'Israël, et prophétise contre elles. Et dis, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, l'Éternel, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux coteaux, au cours des rivières, et aux vallées, me voici, je m'en vais faire venir l'épée sur vous, et je détruirai vos hauts lieux. Et vos autels seront désolés, et les tabernacles de vos idoles seront brisés, et j'abattrai les blessés à mort d'entre vous, devant vos dieux de fiente. Car je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs dieux de fiente, et je disperserai vos os autour de vos autels. Les villes seront désertes en toutes vos demeures, et les hauts lieux seront désolés, tellement que vos autels seront déserts et désolés, et vos dieux de fiente seront brisés, et ne seront plus, les tabernacles de vos idoles seront mis en pièces, et vos ouvrages seront abolis. Et les blessés à mort tomberont parmi vous, et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais j'en laisserai d'entre vous quelques-uns de reste, afin que vous ayez quelques réchappés de l'épée entre les nations, quand vous serez dispersés parmi les pays. Et vos réchappés se souviendront de moi entre les nations parmi lesquelles ils seront captifs, parce que je me serai tourmenté à cause de leur cœur adonné à la fornication, qui s'est détourné de moi, et à cause de leurs yeux qui se livrent à la fornication après leur dieu de fiente, et ils se déplairont en eux-mêmes au sujet des maux, qu'ils auront fait dans toutes leurs abominations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, qui n'aurai point parlé en vain de leur faire ce mal-ci. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, frappe de ta main, et bat de ton pied, et dit, hélas, à cause de toutes les abominations des maux de la maison d'Israël, car ils tomberont par l'épée, par la famine, et par la mortalité. Celui qui sera loin, mourra par la mortalité, et celui qui sera près, tombera par l'épée, et celui qui sera demeuré de reste, et qui sera assiégé, mourra par la famine, ainsi je consommerai ma fureur sur eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand les blessés à mort d'entre eux seront parmi leurs dieux de fiente, autour de leurs autels, sur tout coteau haut élevé, sur tous les sommets des montagnes, sous tout arbre verdoyant, et sous tout chêne branchu, qui est le lieu auquel ils ont fait des parfums de bonne odeur à tous leurs dieux de fiente. J'étendrai donc ma main sur eux, et je rendrai leur pays désolé, et désert dans toute leur demeure, plus que le désert qui est vers Dibla, et ils sauront que je suis l'Éternel.